Je vous mets quand même le générique. Ah bah s'il vous plaît, oui, quand même. Le générique. Le générique, le mec qui veut partir. Starring Ridorian Chap. Alors pour cette spéciale Noël, on va parler de vous un petit peu, c'est un petit peu mon cadeau de Noël. Ah, c'est gentil. De Noël. De Noël. Alors Gilles, on va attaquer avec toi. Gilles est journaliste. Tu as écrit deux biographies, je te laisse la parole. Tu la vendras beaucoup mieux que moi. Tu je ne sais pas. Tu vas vendre la parole, putain. Ouais, c'est cher. Non, oui, écoute, j'ai publié un premier livre il y a un an, donc sur Aldous Huxley. C'est la première biographie consacrée à Aldous Huxley. Alors, c'est un peu le qui connaît, parce que bon, il y en a beaucoup qui le connaissent plus aujourd'hui. Ouais. La classe. La classe, voilà, évidemment. Mais bon, c'est la génération de Jean-Paul, donc il y en a au moins un autour de la table. Non, mais c'est vrai que depuis un an, j'en compte beaucoup de monde qui apparemment ne connaissent pas Aldous Huxley, donc c'est dommage. Ah oui, quand même. Mais du coup, voilà, j'ai pas fait le livre pour rien, donc voilà, je leur ai conseillé. C'est préfacé par Claude Lelouch. Aux éditions Christian Navarro, et ça s'est tellement bien passé entre nous et ça a tellement cartonné qu'on en a fait un deuxième sur Christian Clavier. Donc voilà, en période de Noël, si vous aimez Le Père Noël est une ordure, il y a plein d'anecdotes sur le film et sur la pièce qui est quand même nettement moins bien que le film, mais bon, vous pouvez quand même toujours apprendre des choses. Deuxième provocation gratuite. Ouais. Voilà. C'est Noël, Gilles. Voilà, c'est Noël, donc distribution de cadeaux pour tout le monde. Ouais, voilà. Donc voilà, et c'est préfacé par Patrice Lecomte. Et il y en a une prochaine qui arrive pour 2017. La classe, pas de la classe. Oui, la classe, les très grande classe. Alors, et pour les procurer, c'est sur le site. Le site ou tous les sites marchands ou certains libraires aussi indépendants. C'est mon distributeur, c'est mon attaché de presse. Donc, c'est chez Christian Navarro. Exactement. Donc, vous allez sur le site. Voilà, et il vous l'envoie. Ah. Sauf exception, sauf exception. Moi j'ai lu celui sur clavier, j'ai trouvé trop cool. Ouais, moi aussi. Merci. Et on se l'est fait dédicacer. Et on s'est fait dédicacer. Et il se lit super bien. Genre, et après, c'est moi le faillot. C'est pas Armand le faillot. Hein. J'ai acheté le bouquin, je dis quand même ce que j'en ai pensé. Oui, mais tu as bien fait. Et ça se lit effectivement très vite. Et... Ouais, c'est cool. Et assez facilement, j'allais dire, mais. Voilà. C'est vraiment fluide. Il y a des images. Non, il y a une belle couverture. Il y a une belle couverture de clavier dans les visiteurs. Je peux te dire que. Ah bah, ça met bien en valeur. Merci. Son dentiste surtout. Ouais. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Et il y a une photo de moi en quatrième de couverture. Et oui. Ah, ouais. Il a un peu une tête de vieux fou sur la photo. C'est vrai. Ne ratez pas la photo. Qui, clavier ou Gilles? Les deux. Les deux. Les deux. Je me suis adapté. Jean-Paul, toi, on peut te retrouver au théâtre. Alors actuellement, je suis au théâtre Pandora à Bastille tous les dimanches à 17h30 dans une pièce de boulevard qui s'appelle Dingue Dingue, dans laquelle je joue un homme politique corrompu. Donc c'est une pièce complètement déjantée, très drôle. Alors, très d'actu. Très grave. Alors comme après-demain, c'est le 25 décembre dimanche, donc on ne joue pas, il y a une relâche, mais on fait une spéciale le 31 décembre à 21h. Voilà, samedi soir. Ah. Voilà, et en plus on reprend à partir du mois de janvier, donc tous les dimanches à 17h30 au théâtre Pandora, et c'est très sympa. Et du coup, c'est toi qui joues le dimanche 31. Et moi, je joue le samedi 31. Ah, le samedi 31. Je joue le samedi 31 à 21h. Ah ouais, on cherchait quoi faire avec Florian. Et ben voilà. Oui, oui. Voilà, oui. Bah oui, elle a l'air emballée. Hein. Elle a l'air enthousiaste. Oui, dingue. Voilà, parce que je me pose des questions, mais oui. Et je joue avec une comédienne qui s'appelle Jen Hoff, qui est complètement déjantée pendant une heure et qui m'en fait baver pendant une heure sur scène. Et c'est très sympa. Voilà. Et on lui fait un bisou. Un bisou à Jen. Bisous, Jen. Bisous, Jen. On peut te voir également dans un court-métrage. Ou dans des courts-métrages. Dans des courts-métrages, mais il y en a pas mal. Il y en a un qui actuellement, il y a ce qu'on appelle le Festival Nikon du court-métrage. J'ai un court-métrage qui s'appelle Je suis un autre, hein, qui est dans lequel je joue le rôle d'un médecin. Il faut savoir que deux rôles sur trois, en ce qui me concerne, sont des rôles de psy ou de médecin. Donc vous pouvez aller sur le site du Festival Nikon et nous soutenir, donc en votant effectivement pour ce court-métrage qui s'appelle Je suis un autre, qui est une très jolie histoire d'un quelqu'un qui a eu un accident de voiture, qui a perdu la mémoire et joue le rôle du médecin qui essaie de lui faire retrouver sa mémoire. Mais il ne sait plus qui il est, donc je suis un autre. Voilà. Oh, joli. Et puis après, d'autres projets, d'autres courts-métrages dans des festivals, etc. Voilà. Merci Jean-Paul. Eh bien, on reste dans les courts-métrages, car Florian, on peut te retrouver dans des courts-métrages. Dans un court-métrage, et un long derrière. Oui, bien sûr. Il y a dans plusieurs. D'ailleurs, en fait, là, il y en a un qui va sortir qui s'appelle Je te regarde, qui est un film d'Anthony Mambré et qui est une rencontre en fait avec un aveugle qui fait appel à une escorte, en l'occurrence moi. Et en fait, c'est simplement pour découvrir les traits de son visage. Donc, c'est très poétique. Et en janvier, j'ai le petit cactus. Qui est un tournage dont Léa nous parlera. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des blagues. Non, il y a des blagues, mais je te laisse continuer. Ah, c'est le coup de Anthony Mambré. Laissez Florian faire alors, ça. On l'a jamais faite, celle-là. On l'a jamais faite. Laissez la police faire son travail. Laissez la police faire son travail. Elle a dit Léa. Et non, et donc le long métrage s'appelle Noise. C'est un film de Jérémy Laval. Allez-y. Allez. Et Et cette fois-ci, et cette fois-ci, c'est un film sur un sourd. Voilà. Ah oui, c'est une thématique. Oui. Donc oui, je ne sais pas si Handicap International me finance ou je ne sais pas. Donc bah, oui, en tout cas, ils nous financent pour te prendre dans l'émission. En tout cas, moi, je suis cotorep. Oui, voilà, c'est là. Moi, j'ai vu celui de Mandré, il est vachement bien. Vous écoutez vraiment pas l'animateur. C'est nul. On avait dit Arnaud après. Les gens. Qu'est-ce qu'il y a? Alors il lève la main. C'est déjà une blague aussi. Tu lui avais dit qu'il aurait la parole après. J'ai juste dit que j'avais vu le court-métrage et qu'il était bien. Mais bon, il n'est pas sorti le film de Mambré. Mais c'était pour la vanne, Florian. Ah oh, oh là là, on lui a jamais fait. Elle aurait été drôle, savez. Moi j'avais une question qui brûlait le ventre. Oui, est-ce qu'il est bien Mambré? Oui, on l'a pas fait. D'accord, c'était pour faire la même vanne. Mais oui, c'est pour ça. Par contre, on va se souvenir de ta promo du coup. Ouais, tant mieux, Anthony. D'ailleurs, parce que là, on a rien compris. Ouais, exactement. Mambré et Laval. Mambré et Laval, c'est deux longs métrages. Non, un long, un court, oui, voilà. et plein d'autres choses, mais passons. Alors, passons la parole. Passons à Léa. Léa. Oui, tu as un nouveau projet qui arrive. Oui, donc je vais rebondir sur ce qu'a dit Florian par rapport à un court-métrage. Voilà, je vais rebondir sur Florian, bravo les gars. Un court-métrage du coup que je produis, c'est le troisième court-métrage d'Émilie Bélina-Richard. J'ai déjà produit les deux précédents, ça s'est super bien passé. Donc il s'agit du film Le Petit Cactus, qui a fini son financement aussi grâce à Pantoufles Explosives, parce qu'on a reçu Gisèle Worthington, l'actrice principale, qui nous en a parlé en octobre, je crois. Octobre, ouais. Et du coup, on a réussi à avoir le financement pour faire ce film. On le tourne fin janvier, donc on vous donnera des nouvelles très vite dans Pantoufles Explosives, parce qu'effectivement, Florian joue dedans. On a reçu aussi un des comédiens principaux aussi pour parler de son actu musical à la saison précédente. Il s'agit de Julien Vital. On a reçu aussi Julien Husser. Bref, on connaît tous les comédiens. Le film va être trop cool. Ah ouais, ça c'est sûr. Ouais. Tous les comédiens s'appellent Julien. C'est vrai. On a beaucoup de Julien. Tu as une deuxième actu. Théâtrale, oui. Cette fois-ci. Ouais, j'ai une pièce de théâtre qui arrive en 2017 que j'ai coécrit avec toi, Thibaut, il me semble. Ah oui, c'est celle-ci. Voilà. Donc j'ai coécrit une pièce avec toi, ça s'appelle En apesanteur. C'est l'histoire de trois inconnus très très différents et très très rigolos qui sont enfermés dans un ascenseur le soir du 31 décembre. C'est bientôt. Vont-ils passer minuit coincés dans la cabine avec eux ou pas? On ne sait pas. Pour l'instant, au niveau des dates, ce sera à Nantes, à Saint-Étienne et à Grenoble, si on a des auditeurs de là-bas. Voilà, pas Paris pour l'instant. Je vois que notre réel vidéo fait la tête parce qu'il veut grave voir la pièce. Si vous voulez des infos, c'est sur la page Facebook. Les places, c'est sur Billets Réduits. Voilà, ça s'appelle En apesanteur et c'est une comédie complètement folle. Et si vous voulez nous produire sur Paris, allez-y, venez nous voir. Voilà. Et Léa, encore une autre actu, puisque Léa met en scène une autre pièce de théâtre que j'ai écrite. Ça s'appelle Un macabé dans la baignoire. Ouais. C'est les lundis au théâtre Montmartre Galabru. C'est avec Florian, c'est avec Arnaud. C'est mis en scène, je l'ai dit, par Léa. C'est avec moi également. C'est l'histoire de Alice qui ramène, donc Alice jouée par Florian, qui ramène chez son ex, Maxime joué par Arnaud, un macabé qu'elle vient de renverser en bas de chez lui. Manque de peau, celui-ci attend un rendez-vous. Galant. Mais celle-ci est flic. Ah ah ah. Tintin. Que va-t-il se passer? Évidemment, il faut cacher le macabé. Où ils vont le cacher? Dans la baignoire. Je te le donne. Tout est dans le titre. Et de là, va venir se mêler également la gardienne, la concierge portugaise. Ne ratez pas l'accent. Et oui, et il reste qu'une date pour 2017. C'est lundi. Ouais. Le 26. Lundi, là, qui arrive. Voilà, le 26. On joue lundi. Dans 3 jours, là. Dans 3 jours, même. Le 26, ouais. C'est à 20h. Tournée à Nantes, Saint-Étienne et Grenoble en 2017 également. Venez, on va se marrer pour la dernière de l'année, je vous le dis. Alors, il y a Arnaud dedans, mais Arnaud, tu fais aussi autre chose à côté. Ah oui. Tout le monde te connaît sur Japan FM. Oui, donc je fais pas mal de doublage ici. Me connaît pas mal pour être la voix de Natsu et peut-être pour certains pour la voix de Léo Fitz dans Les Agents du Shield. Et récemment, j'ai aussi eu la chance d'être pris pour une nouvelle petite série Netflix qui s'appelle 13 Reasons Why, qui est en français donc 13 raisons pourquoi. je pense qu'il y a meilleure traduction qu'on peut trouver, mais voilà, qui est adapté d'un bouquin où en fait une jeune fille se suicide au début et en fait les 13 épisodes expliquent ce sont les 13 raisons pour lesquelles elles se sont suicidées et je fais un des personnages qui serait peut-être à l'origine de ça, qui était un ami mais qui aurait peut-être fait... Je n'en sais pas plus puisque j'ai juste passé les essais donc je ne connais pas encore la série. Voilà, donc ce sera sur Netflix et je pense que ce sera c'est en trop 2017. La classe, Netflix. Ouais, mais grave, voilà. Et la série a l'air canon, genre le pitch, ouais, il est vraiment... Ouais. Pas mal du voilà, et c'est un bouquin à la base, il paraît. Voilà. Merci Arnaud. Je vous en prie. Je suis tous les matins dans la garde du Roi Lion et le dimanche dans les agents pop secrets et partout, le mec est partout et sur Game One dans Fairy Tail. Voilà. Voilà. Ouais. Regarder la télé pour croiser Arnaud. Voilà. ou l'entendre. Ou l'entendre. Guilin, on pourra te voir les 26 et 30 décembre à Toulon. Oui, c'est ça. Du 26 au 30 décembre, je serai à Toulon, au Room City, dans la pièce pour enfants « Le Père Noël a perdu la boule ». Donc le Père Noël... Adapté du film. Le Père Noël tombe dans les escaliers et perd la mémoire. Et du coup, il y a une petite fille qui va faire tout en sorte pour qu'il retrouve la mémoire. Et moi, je joue plusieurs personnages. Oh, c'est mignon. Mais pas le Père Noël. Et je serai aussi du 31 décembre au 8 janvier à la Comédie de Nancy. Je joue L'amour est dans le presque, qui est une satire de l'émission de M6. Voilà. Très bien. Joli titre. Joli titre. Mais on fait pas une blague sur l'unique boule du Père Noël. Donc, non, quand c'est boule. Les enfants, on n'ose pas. Ah, d'accord. Alors moi, on y va, mais d'accord, ok. C'est un grand jeu chaque fois avec la comédienne, chaque fois qu'elle pose un truc sur la tête du Père Noël et qu'elle dit je lui rends sa boule. Donc c'est une pièce pour les enfants c'est pour les et parents. Les adultes. C'est, pour les adultes. C'est ça. Inside entre nous. Surtout les adultes. Non mais il y a beaucoup de références aussi aux adultes, enfin de pièces, de chansons, de trucs qui s'adressent aussi aux. Double écriture quoi. Voilà, double écriture. C'est beau ce que tu dis. C'est beau. C'est beau. Bah non mais. Eh bien merci à tous. Pour retrouver cette actu, il y a le site internet également pantouf-explosif.com. Vous allez dans les chroniqueurs, il y a une section les actus. Oui, Florian. Bah, il y a une actu qu'on a tous en commun dont on n'a pas parlé. On est chroniqueurs. Ouais. Radio. C'est, pas mais c'est une actu dont je parle. Hein. Je dis oui, je chroniqueuse radio sur Japan FM. Donc écoute, je te jure. Pour ça que l'audience. Peut-être maintenant, mais peut-être. Bien, on se fait une petite pause musicale. Ouais.